Nombre chapitre 17. Après cela, l'Éternel parla à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et prends une verge de chacun d'eux selon la maison de leur père, de tous ceux qui sont les principaux d'entre eux selon la maison de leur père, 12 verges, puis tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Mais tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de la maison de leur père. Et tu les poseras au tabernacle d'assignation, devant le témoignage, où j'ai accoutumé de me trouver avec vous. Et il arrivera que la verge de l'homme que j'aurai choisi, fleurira, et je ferai cesser de devant moi, les murmures des enfants d'Israël, par lesquels ils murmurent contre vous. Quand Moïse eut parlé aux enfants d'Israël, tous les principaux d'entre eux lui donnèrent, selon la maison de leur père, chacun une verge. Ainsi il y eut 12 verges. Or la verge d'Aaron fut mise parmi leurs verges. Et Moïse mit les verges devant l'Éternel, au tabernacle du témoignage. Et il arriva, dès le lendemain, que Moïse étant entré au tabernacle du témoignage, voici, la verge d'Aaron avait fleuri pour la maison de Lévi, et elle avait jeté des fleurs, produit des boutons, et mûri des amandes. Alors Moïse tira dehors, de devant l'Éternel, toutes les verges, et les porta à tous les enfants d'Israël, et les ayant vus, ils reprirent chacun leur verge. Et l'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être gardée comme un signe aux enfants de rébellion, et tu feras cesser leur murmure de devant moi, et ainsi ils ne mourront plus. Et Moïse fit comme l'Éternel lui avait commandé, il fit ainsi. Et les enfants d'Israël parlèrent à Moïse, en disant, voici, nous défaillons, nous sommes perdus, nous sommes tous perdus. Quiconque s'approche du pavillon de l'Éternel, mourra, serons-nous tous entièrement consumés?